بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو باب النهي عن الكلام في الصلاة qui est l'interdiction de parler durant la salat. ندخل في الحديث الثامن بعد المئة 108 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Donc selon Zayd ibn Arqam رضي الله عنه قال qu'il a dit nous parlions dans la salat, c'est-à-dire pendant qu'on faisait la salat nous discutions, que l'homme parlait à son voisin, celui qui est à côté de lui lors de la salat. Puis il fut descendu, il fut révélé, la parole d'Allah dans le sens où il dit « Et tenez-vous debout pour Allah, humble et silencieux. Hein? » « Wakumu lillahi qanitin » c'est-à-dire en pleine adoration, silencieux et en toute humilité. Donc, c'est-à-dire sans parler. Donc nous a été ordonné de garder le silence et de parler. Il nous a été interdit de parler plutôt. Non. Il nous a été ordonné de garder le silence et nous a été interdit de parler. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يدي أراوي زيد بن أرقم ابن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة أولها الخندق. Donc il a participé à 12 batailles avec le prophète صلى الله عليه وسلم, dont la première c'est celle des خندق, celle des tranchées contre les coalisés à المدينة. وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافق عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من أهل منها الأذل فأنكر عبد الله بن أبي بن أبي نعم فأنزل الله القرآن بتصديق زيد بن أرقم رضي الله عنه. Donc c'est celui qui a informé le Nabi صلى الله عليه وسلم de la parole du munafiq, l'hypocrite, qui était عبد الله بن أبي, dans le sens où Allah dit de lui que si nous revenons à Al-Médina, nous allons, que les gens forts vont en expulser les gens faibles. Il veut dire par là les croyants. Que les gens forts, c'est-à-dire les Mounafiqoun, eux, ainsi que leurs alliés, vont en expulser les gens faibles, c'est-à-dire les croyants, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Ubay a nié cela. Et à cette époque-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas encore qu'il était un Mounafiq. D'accord ? D'ailleurs, Abdullah ibn Ubay avait juré par Allah. Et, comme vous le savez, celui qui jure par Allah, là-bas, c'est qu'on doit le croire dans ce qu'il dit. Et par la suite, Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset qui confirmait ce qu'avait dit Zayd ibn Arqam, qu'il avait raison. Ce qui a été un dévoilement de ces gens-là. Non. Nazal al-Kufa wa mata fiha sanat thaman wa sittin. Et qu'après, il s'est rendu le Kufa. Kufa, c'est juste un secteur de l'Irak. Où il est mort en l'an 68. رضي الله عنه. يقول موضوع الحديث لسجد الحديث بيان حكم الكلام في الصلاة qui est le jugement de le fait de parler durant la salat. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith كانت الصلاة صلة بين العبد وربه فلا ينبغي أن يتشاغل المصلي بغير مناجاة الله تعالى والذل بين يديه. Donc la salat, c'était un lien, une connexion qui est entre le serviteur et son seigneur. Donc il ne convient pas qu'il se distrait par autre que ce qu'il pourrait tourner vers Allah Azza wa Jal comme demande, comme parole. Donc il ne peut pas en parler avec autrui. Et également comme humiliation qu'il y a devant Allah subhanahu wa ta'ala lors de la salat. Wa fi hadha al-hadith yukhbiru Zayd ibn Arqam anna an-nas kanu yatahaddathuna baynahum fi as-salah fi hajatihim. Et donc dans ce hadith, Zayd ibn Arqam informe que les gens discutaient entre eux durant la salat. Ils parlaient de leurs besoins. C'était une chose qui était permise à l'époque. Hatta anzala Allahu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Fa'amarahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil imtina' 'an al-kalam wa 'an kalam an-nas wa na'ahum an yatakallamu bih. Puis lorsque Allah Azza wa Jalla fit descendre le verset et tenez-vous debout pour Allah humilié et en silence, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné justement de ne plus parler. Chose qui a été donc abrogée par la suite, qui était permise auparavant. Thumma yaqul min fawaid al-hadith awwalan yaqul tahrim al-kalam fi as-salat wa law kanat as-salat nafila ou kana al-kalam qalila. Que ce hadith montre l'interdiction de parler durant la salat, même s'il s'agit d'une salat qui est surrogatoire, et même s'il s'agissait de peu de paroles. Le peu de paroles. Et bien sûr, c'est exception à la règle, le fait de faire le tasbih, si jamais l'imam se trompe lors de la salat, ou également un yuftar alayhi, si jamais il se trompe dans un verset par exemple, qu'il ait permis à quelqu'un de pouvoir le reprendre, de le corriger, de le rectifier. Quoi qu'il en soit, cette parole-là, ça reste du zikr. Ce n'est pas une calme de discussion avec les gens. Ça reste un rappel d'Allah Azzawajal, chose qui est permise durant la salat. Thaniyan, an al-kalam mubtil as-salat et tahrimi fiha wa munafatihi al-maqsoudiha. Que la parole amène à annuler la salat, car elle est interdite, et cela s'oppose justement à l'objectif de cette salat, qui est la connexion qu'il y aura entre le serviteur et son seigneur. Thalithan, al-hikma fi tashri'h حيث كان الكلام مباحا ثم حرم. Et cela montre la sagesse qu'il y a dans la législation de l'islam, du fait que le fait de parler auparavant était permis et par la suite a été interdit, rendu interdit. C'est-à-dire les choses sont faites progressivement, bitadarruj. هذا الذي اخذنا الحديث نكتفي بهذا القدر. Et c'était le seul hadith de ce chapitre également. نعم. فالحمد لله رب العالمين.